Ici Jean-François Baudry, directeur général de la Maison funéraire Hébert et fils. Le temps des fêtes nous donne l'occasion de vous redire merci pour la confiance que vous nous témoignez. La direction ainsi que les membres du personnel se joignent à moi pour vous transmettre leurs meilleurs vœux du temps des fêtes. Que ces moments privilégiés passés en famille demeurent à jamais gravés dans vos mémoires. La Maison funéraire Hébert et fils vous souhaite de très joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année. Le personnel et la direction de Dolbeau Oxygène souhaitent joyeux Noël et bonne année à sa clientèle et vous remercie pour la confiance témoignée pendant la dernière année. Dolbeau Oxygène se spécialise depuis 1936 dans la fabrication d'équipements industriels. Dolbeau Oxygène, situé au 303 8e avenue Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-0555 ou encore sur notre site web au www.do2.ca. Ici Pascal Coutier, maire de la ville de Dolbeau-Mistassini. À l'occasion du temps des fêtes, je souhaite vous offrir, en mon nom et en celui des membres du conseil municipal, des vœux de bonheur. Que cette période soit pour vous et vos proches un moment de réjouissance et de ressourcement. À toutes les Dolmissoises et tous les Dolmissois, un très joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2019. L'équipe de Gagnon Hébert Arpenteur Géomètre souhaite de joyeuses fêtes à toute la population ainsi qu'à sa clientèle et les remercie de la confiance témoignée durant l'année qui se termine. Gagnon Hébert Arpenteur Géomètre, 118 rue de Quin, Dolbeau-Mistassini, 418-276-8724. Gagnon Hébert Arpenteur Géomètre vous offre un service à la mesure de vos droits. On va parler à Alexandre Gauthier, notre ancien chroniqueur de la NFL. On sait qu'Alexandre n'a plus vraiment le temps. Ses occupations professionnelles font en sorte qu'il n'a plus le temps de parler régulièrement avec nous de la NFL. Mais les Jaguars de Jacksonville le passionnent encore autant qu'avant. Il trouve toujours le temps pour ses Jaguars. Et forcé d'admettre qu'en début d'année, plusieurs... C'était quelque chose de... C'était pas farfelu de penser que les Jaguars pouvaient atteindre le Super Bowl. Mais quel désastre actuellement à Jacksonville. On va parler avec le partisan numéro un au Québec des Jaguars de Jacksonville. Ils sont quelques-uns, j'en ai vu un sur Twitter également, qui s'est proclamé partisan numéro un au Québec. On va parler d'abord de celui certainement du Haut-Lac-Saint-Jean, c'est Alexandre Gauthier. Salut Alex. Salut Danny. Alexandre, d'abord, c'était pas farfelu de penser que les Jaguars de Jacksonville, tu les avais même favorisés au Super Bowl, puis je me rappelle très bien, je t'avais dit enlève ton chandail, puis tu m'avais dit non, c'est de façon logique, je vais rationnel, puis c'était, puis des experts les voyaient au Super Bowl, puis ça a viré au désastre cette saison-là. Ouais, j'étais content de savoir que c'était effectivement, j'étais pas le seul à prévoir que les Jaguars allaient aller au Super Bowl. Il y avait plusieurs noms et des analystes très reconnus qui ont tenté l'expérience puis qui ont dit les Jaguars seraient là pour la simple et bonne raison, Danny, que c'était la défensive exceptionnelle de l'équipe. Moi, quand je pensais aux Jaguars cette année, j'avais en tête les Ravens de l'année 2000 avec une défensive exceptionnelle. Ouais. Même, je te dirais, une défensive générationnelle. Donc, une défensive que tu vois à tous les 15-20 ans. Puis là, j'avais confiance en eux. Ça s'est pas produit, malheureusement. Pourquoi? Mais parce que du côté de l'attaque, la défensive n'a pas été à la hauteur, soyons clairs. Là. Elle a été une bonne défensive, c'est tout. Mais l'attaque a été catastrophique. Pas capable de marquer au-delà de 15 points dans une partie. Tu peux pas espérer remporter aucun championnat avec ça. Et en plus, ils ont eu des blessures pour ajouter à tout ça. Des blessures assez majeures du côté de l'attaque. Le seul côté qui ne pouvait pas affronter ce type d'adversité-là. Et c'est ce qui est arrivé. Ça donne le résultat qu'on a aujourd'hui. Et les dernières choses, je te dirais, qui ont été out-coachées pour la majeure partie de l'année. Out-coaché dans plusieurs parties. Ben, parce que je les ai toutes vues. Ben oui, tu les as toutes vues. Écoute, avec DAZN, c'est vrai également. Puis c'est vrai ce que tu dis là. On a changé de collateur d'attaque. D'abord, est-ce que Scott Mihanovic, moi je ris tellement de toi là, en dehors des ondes, parce que tu sais que t'es pas un fan de la NFL, de la Ligue canadienne. Puis moi, je dis que un partisan de football devrait aimer les deux, mais ça, c'est une autre discussion là. Mais puis j'ai tellement ri de toi après quand j'ai su que Scott Mihanovic est le coordonnateur d'attaque, et le nouveau coordonnateur d'attaque. Est-ce que notre gars de la LCF, ça va mieux là, depuis que l'attaque est là? Soyons clairs, ça n'a pas changé d'un iota. Je te dirais, sur une échelle, le problème des Jaguars, c'est qu'ils ont misé sur l'attaque au sol avec Leonard Fournette. Puis il était blessé. Fournette s'est blessé dès le premier match contre les Giants. Alors, il était bâti pour la course au sol, avec beaucoup de ce qu'on appelle le play action, donc de feinte au porteur de ballon et de longs passes. Les receveurs ont été pourris cette année. Fournette a été blessé et Bortles a été Blake Bortles, ce qui fait en sorte que l'attaque a été mauvaise. Est-ce que c'est la faute du coordinateur à l'attaque? Moi, je pense qu'avec toutes les offensives qu'on voit actuellement, celle des Chiefs, celle des Rams, on voit beaucoup de créativité, des jet sweeps, là, si tu me permets l'expression. On utilise ce qu'on appelle les playmakers. Les Jaguars en ont un seul, c'est Didi Westbrook, et on l'a à peu près pas utilisé. Donc, moi, je te disais que Nathaniel Hackett est un problème. Il a été mis dehors, donc on a reconnu ce problème-là, mais on a amené Milanovic, et honnêtement, Milanovic, je te dirais qu'au niveau de la créativité, il est légèrement plus créatif que Nathaniel Hackett, mais avec des résultats similaires. Donc, je pense que le problème des coordonnateurs à l'attaque, que ce soit Ligue canadienne de football, son origine, ou NFL, comme Hackett, c'est pas ça c'est pas ce qui fait la différence, malheureusement, pour les gens. OK. Alex, est-ce que tu... en fait, la blessure de Fournette a tout changé. Parce que Fournette, c'est un des 5 meilleurs porteurs de ballon de la NFL actuellement. Et si Fournette se blesse pas, t'es moins... Blake Bortles, c'est un carrière qui est très, très ordinaire, un passeur très ordinaire. Par contre, ça, avec un Fournette, tu peux t'en tirer. Regarde-toi, t'as comparé les Ravens de 2000. C'était ça, là. Trent Dilfer était probablement l'un... avant Peyton Manning, l'année que Peyton Manning a gagné le Super Bowl, avant lui, c'était probablement le pire carrière de l'histoire du Super Bowl d'avoir gagné un Super Bowl. Mais par contre, il y avait une bonne défensive et un bon attaque au sol. Si Fournette se blesse pas, ça change toute la donne. Non? Mais le problème avec Fournette, puis là, il l'a admis un peu, il est arrivé un peu peu en forme au camp d'entraînement. Et les mauvais signaux ont apparu dès la première rencontre avec contre les Giants à New York. Avant qu'il se blesse, Fournette n'avait pas la même explosivité, si on peut me permettre l'expression. Et ça paraissait déjà que Fournette n'était pas en très, très grande forme. Il s'est blessé, il est revenu. Évidemment, c'est une blessure ischio jambier, donc ça l'a empêché de s'entraîner. Quelques livres de plus. Alors, Fournette, les Jaguars ont fait l'erreur de mettre tous leurs œufs dans le panier de Fournette. Et malheureusement, on a eu les résultats qu'on a. Et comme je te le disais tantôt, moi, je pense que la grande faute des Jaguars, c'est qu'ils ont été mal préparés tout au cours de l'année par l'équipe d'entraîneurs, pas juste le coordinateur offensif. Le coordinateur défensif a eu également plusieurs erreurs de couverture de passe que tu ne devrais pas faire à ce niveau-là. Et les Jaguars ont accordé de gros jeux cette année au niveau de la défensive, ce qu'on n'avait pas vu du tout l'année passée. Alors, puis Marone là-dedans, qui n'est pas capable de contrôler son équipe également, à l'extérieur et sur le terrain, parce que les Jaguars sont une des équipes les plus pénalisées de la Ligue, et tu as le résultat actuel. Donc, c'est une année à oublier carrément pour les Jaguars. Et j'espère qu'il y aura un ménage quand même qui sera fait, pas juste au niveau du poste de quart arrière. Moi, je pense que l'entraîneur n'a pas mérité de revenir, mais bon, on dit là du côté de Jacksonville qu'il devrait revenir, mais moi, ben oui, c'est je Doug pense Marrow, que si on y a... confirmé, hein? C'est ça, son yellow, ben, ça n'a pas été confirmé, mais il y a de fortes chances qu'il revienne. Alors, moi, je suis un petit peu déçu là-dessus parce qu'ils ont été out-coachés, carrément. OK. Juste pour dire comment tu es un partisan des Jaguars, tu participes au... je te voyais sur Twitter, tu participes aux discussions avec les journalistes de Jacksonville, puis tu réponds, puis oui. Même de ça, tes commentaires ont été publiés 2-3 fois dans le journal des journaux de Jacksonville, hein? Oui, bien, effectivement, quand on est partisan, on se sent concerné. On se sent concerné. Tu le disais en début d'entretien. Malheureusement, mon travail m'empêche de suivre assidûment les activités de la NFL, de lire autant sur plusieurs équipes. Cependant, je concentre le peu de temps qui me reste. Je le concentre sur les Jaguars. J'interagis avec les journalistes. Et moi, j'avoue que, comme tout bon partisan, t'aimes ça débattre avec les analystes qui suivent l'équipe. Et c'est très agréable de le faire via Twitter. Ouais, effectivement. Alex, on va faire une pause et on va revenir dans quelques instants. Je veux te parler du temps que tu as mis quand même. Qui tu vois au Super Bowl? Vous êtes à l'écoute d'une entrevue de la NFL avec Alexandre Gauthier sur les ondes de danadosport.com. À l'occasion du temps des fêtes, nos pensées se tournent avec reconnaissance vers ceux et celles qui font notre succès et tout le personnel et la direction de LCR Vêtements Chaussures souhaitent de très joyeuses fêtes à la population ainsi qu'à sa clientèle. Merci de votre support pour l'année qui se termine. LCR Chaussures et Vêtements, au 1463 Boulevard Wahlberg, Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418 1-866-95-95 ou variétélcr.ca. Le propriétaire du restaurant Subway de Delbault-Mistassini, M. Luc Bélanger, et toute son équipe profitent de l'occasion pour souhaiter à sa distinguée clientèle un très joyeux Noël et une bonne année. Et le remercie de leur encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents. Ce sont les souhaits du restaurant Subway situé au 1801 à Delbault-Mistassini au numéro de téléphone 88-276-6848. On est de retour à Denver. Vous avez besoin d'une bonne batterie pour la saison froide qui s'en vient? Eh bien, l'équipe de Batterie Expert saura bien vous conseiller. Nous avons des batteries pour tous les véhicules et pour tous les budgets. L'équipe de Batterie Expert désire également souhaiter de joyeuses fêtes à toute sa clientèle et les remercie de la confiance témoignée durant l'année. Batterie Expert, 757 Boulevard Vézina à Dolbeau-Mistassini, 418-979-7812. Ici Marie-Claude Tremblay, directrice générale de la Caisse des Jardins du Nord du Lac-Saint-Jean. Et Luc Girard, directeur général de la Caisse populaire des Jardins et Plaines de Montréal. Nous profitons de cette période de réjouissance pour vous remercier chaleureusement de la confiance que vous nous témoignez. Au nom des dirigeants et du personnel de nos deux caisses, meilleurs vœux de bonheur, santé et de prospérité pour la nouvelle année. Et qu'elle vous permette la réalisation de vos vœux les plus chers. À tous, joyeuses fêtes! L'équipe de Polaire 3 désire souhaiter de joyeuses fêtes à toute la population et vous remercie de la confiance témoignée durant l'année 2018. Polaire 3, 373 Avenue de la Friche à Dolbeau-Mistassini, 418-276-5018 ou visitez lepolaire3.com. Alexandre, évidemment, on l'a dit, tu as moins de temps à suivre la NFL, c'est pour ça que tu n'es plus avec moi de façon régulière. Par contre, de ce que tu vois là, au Super Bowl, qui tu vois actuellement? Mais écoute, si on part de ma prédiction du début de saison qui est catastrophique, j'avais prévu les Jaguars contre les Falcons, il est arrivé un peu le même scénario que les Jaguars en défensive. Ouais. Ils ont eu deux blessures à long terme dès le premier match de la saison, des joueurs d'importance, notamment au poste de secondaire et leur maraudeur également. Donc si on tâche tout ça et on revient à notre prédiction qui doit être faite, parce que là, on commence à avoir le portrait pas mal global là, de ce qui va se passer. Écoute, je ne serais pas surpris, puis là, j'avoue que je dois me pincer quand je dis ça, mais je ne serais pas surpris que les Chargers sortent de l'association américaine. Là, je vais te décevoir, je sais, les Patriots sont encore dans la course, là. Mais ça ne me surprendrait pas de voir les Chargers sortir d'un côté. Et c'est clair pour moi, depuis le quatrième match ou cinquième match de la saison, pour moi, les Saints de la Nouvelle-Orléans, pour différents facteurs, oui, tu vas me dire Drew Brees, facile de dire ça, mais les Saints, pour moi, vont être certainement de l'autre côté. Pourquoi? Ben parce qu'entre autres, dans toutes les équipes qu'on a vues, les Chiefs, les Rams, avec des génies offensifs, des jeux offensifs géniaux, ben on a oublié qu'il y avait des défensives également, puis les défensives gagnent les championnats. L'année passée, les Jaguars se sont rendus en conférence, à la finale de la conférence américaine avec la défensive. Donc, moi, je pense qu'il y a encore un facteur défensif à prendre en compte dans le calcul. Et les Saints m'offrent ce luxe-là parce qu'ils ont ce qu'on appelle des joueurs d'impact en défensive également. Est-ce qu'on va avoir les matchs éliminatoires l'année passée, ça avait été très ordinaire, rappelle-toi. Donc, je m'attends à de bons matchs éliminatoires en 2019 parce que, tu sais, janvier, quelque part, une chance qu'on a la NFL, ça nous aide beaucoup. Après les fêtes comme ça, on a un petit peu on a un don, comme on pourrait dire. L'année passée, ça avait été très ordinaire. Les matchs. Ben, je partage pas cette analyse-là, parce que moi, les Jaguars, c'était rendu. Ouais, c'est sûr. Là, c'est de la façon mais, mais oublie pas qu'on a eu des matchs de 45-42 à Pittsburgh, les Jaguars contre les Steelers. C'était quasiment un classique qu'on a vu s'exercer. Du côté de la finale de la conférence, j'y étais en Nouvelle-Angleterre, je te signale. Et, ça a été un excellent match, là. Je veux dire, Tom Brady, a fallu une remontée miraculeuse de Tom Brady au quatrième quart pour permettre aux Patriots de l'emporter. De l'autre côté, je te t'as peut-être raison du côté de l'Association nationale. Mais rappelle-toi, il y avait Jacksonville, contre Minnesota qui avait été un match extraordinaire. Oui, ben c'est ça. On a eu le jeu miracle de Stephen Diggs qui a éliminé les Saints. Non, je ne partageais pas cette analyse-là. On a traditionnellement de bonnes séries éliminatoires. Alors, je m'attends encore un peu la même chose cette année. Puis là, ben, comme tu as vu, le niveau de créativité offensif a augmenté. On est rendu avec des jeux très, très... qui s'inspirent beaucoup du collège, hein, le jeu universitaire. Donc, de plus en plus, c'est spectaculaire. Beaucoup de points. Je m'attends à des matchs là, qui vont finir 35-28, là, des choses comme ça. Là. Ça va être intéressant. Non, c'est... Puis, les Chiefs, t'en penses quoi? Moi, je pense que quelque part, là, techniquement, on regarde ça sur papier, c'est eux qui devraient sortir de la Nationale. Mais, oui. Mais par contre, Andy Reid, j'ai pas confiance en lui. Il y avait des équipes... pour passer et aller loin. Là. Avec les Eagles de Philadelphie. Puis jusqu'à nouvel ordre, j'ai pas confiance en lui. Mais en tout cas, Danny, je ne sais pas si tu te rappelles de nos conversations. On a parlé des Chiefs tout au cours de l'année. J'ai toujours mentionné que j'avais un gros doute au niveau défensif. Et ça se maintient encore. On est rendu au 16e match de la saison et j'ai encore les mêmes doutes. Première des choses, les Chiefs accordaient déjà beaucoup de points en début de saison. Ça ne s'est pas amélioré ou à peine. Alors moi j'aime ça voir une équipe qui resserre sa défensive au fur et à mesure que l'année progresse. C'est pas arrivé avec les Chiefs. Actuellement, ils ont quelques éléments intéressants, mais pas de joueurs d'impact en défensive. T'sais, Rick Berry, le maraudeur, oui, il est intéressant, mais bon, c'est pas le gars qui va changer une partie à lui seul. Dee Ford, oui, c'est un gars qui est capable de mettre de la pression sur le corps arrière, mais c'est pas encore quelqu'un qui est capable de changer une partie à lui tout seul. Fait que les Chiefs, là, malheureusement, sont vulnérables. Puis Bob Sutton, ben franchement, ça n'a jamais été un coordonnateur défensif là, dominant. Il n'a jamais été dans mes favoris. Et c'est le coordonnateur défensif actuellement du côté de Kansas City. Moi, les Chiefs, je les vois pas se rendre... Dans le meilleur, peut-être. Là, Dans le Final Four, mais pas plus que ça. Ouais, effectivement. Donc, ça va les rattraper. La défensive va les rattraper. Ouais. D'ailleurs, ils ont perdu tous les matchs importants. Hein, tu le sais, là, contre les Rams, ils ont perdu. Tu sais. Dès que le match est important, il y a un enjeu, ils perdent. Ben là, Laurent, tu venais t'en dire, du côté de la ligne, ça va aider. Mais la ligne des Chiefs n'a pas trop souffert du départ de Laurent Duvernay-Tardif. C'est sûr que ça va toujours aider quelqu'un qui revient comme ça. Mais la ligne n'a pas trop souffert. La ligne est encore solide du côté des Chiefs. Le bloqueur à gauche, Eric Fisher, est même au Pro Bowl actuellement. Donc, la ligne s'est tenue. C'est tenue pendant le départ de Duvernay-Tardif. D'ailleurs, ça va être à surveiller, ça. Duvernay-Tardif, son gros contrat, il a été blessé plus souvent qu'à son tour cette année. Je serais pas surpris de le voir... devoir restructurer son contrat ou être simplement libéré par les Chiefs. Oh! C'est sûr que Laurent Duvernay-Tardif... Tu sais, on en parle beaucoup au Québec, mais des Laurent Duvernay-Tardif, il y en a partout, hein? Ben, c'est parce qu'il est excellent, mais au football américain, tu sais comme moi, tu es sur le terrain où tu es dehors, où il coupe. Ouais. Fait qu'au prix qu'il coûte, son contrat quand même imposant sur la masse salariale des Chiefs, son départ a été comblé assez facilement. Je vais te dire, c'est peut-être ma prédiction un peu folle pour le début de 2019. Je pourrais te parler justement avec Sacha Gavani prochainement, parce que son agent... c'est une bonne remarque que je vais faire, puis je vais lui poser la question si ça pourrait être... Parce que, tu sais qu'il y a deux nouvelles ligues... Il est nerveux. Il y a deux nouvelles ligues qui s'en viennent actuellement, là. Puis ça, pour un agent de joueur, c'est quand même très bon. Fait que je vais lui demander, puis je te donnerai une nouvelle. Excellent. Fait que pour un gars qui sait pas trop, là, qui manque de temps, puis sur la NFL, je trouve que tu te débrouilles encore pas mal, hein. C'est toujours un plaisir d'en jaser, mon cher Danny. Voilà, donc notre ami Alexandre Gauthier, de la chronique de la NFL.